Isolé du monde, j'étais depuis longtemps. J'ai convaincu, t'as volé tous mes sentiments. Je me sentais très mal, tout à cause de toi. Et je sais que tu râles, que je suis plus là maintenant. Ça m'a pris très longtemps, mais j'ai su trouver la raison, mon chagrin, il fallait se quitter. Regardez-moi, je ne suis plus comme avant. Car la petite fille que tu connais n'a plus le temps. Elle a dû changer pour que tu ne puisses plus jamais la toucher. J'ai la confiance en moi et je sais que j'arriverai. Innocent, naïve et jeune, t'avais trouvé le monde, tu m'as promis. Mes rêves sont déchirés, mais maintenant c'est fini. Je te dis au revoir, j'en ai marre d'être ici. Je ne veux plus rien savoir. J'ai regagné la force profonde de moi-même, de bien fermer les portes et de casser la chaîne. Yeah.